finalement sauvé, de même que ses deux compagnons, le professeur se soucie peu de l'accueil qu'obtiendra son récit de ces 10 derniers mois. Mais il espère en l'apaisement du capitaine Nemo, avec lequel il a sondé les profondeurs de l'abîme.